Ce vendredi à la vie en BD, des histoires de poules et de lumière, une BD juste pour rire, des commentaires BD et plus. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30, comme à l'habitude, pour parler 9e art, pour parler bande dessinée. Et cette semaine, on lorgne également vers l'illustration jeunesse. Il faut dire, en fait, pour ceux qui me connaissent et si vous suivez l'émission de manière régulière, bon, on a intégré cet aspect il y a déjà quelques années dans notre champ de préoccupation ici à l'émission. Il faut dire que, personnellement, comme animateur et recherchiste de l'émission, disons que je suis particulièrement concerné par cette littérature-là, étant père de deux jeunes enfants. Et donc, ce qui fait que j'ai un 50% de lecture en bande dessinée et un autre 50% du côté de la littérature jeunesse illustrée. Alors, cette semaine, on va jaser avec une illustratrice de Québec, Valérie Boivin, qui nous avait offert, en fait, il y a déjà quelques temps, 752 Lapins avec François Blais, qui nous revient avec une autre collaboration avec cet auteur de romans bien connu également. Alors, on avait envie de jaser un peu de ce livre-là et en même temps de profiter aussi de son passage pour lui adjoindre Pascal Bonenfant, puisque ensemble, ils viennent tout récemment également d'auto-éditer un livre qui s'appelle Loup. Alors, ce sera comme un doublé d'entrevue. Ce sera dans la première moitié de l'émission, donc dans quelques minutes, on aura le plaisir d'échanger avec eux. Également, en deuxième moitié d'émission, j'avais envie de revenir. On est toujours un peu en mode rattrapage, surtout en début d'année et au fil de la rentrée. Et notamment, ben, pendant l'été, pour les 35 ans du Festival Juste pour rire, il y a Berber 13-13 qui a lancé une bande dessinée qui s'appelle Victor, scénarisée par Yves P. Pelletier et dessiné par Olivier Carpentier. On avait envie de jaser de cette BD-là avec Olivier, notamment en fait pour essayer de voir avec lui de quelle manière on s'approprie sur le plan visuel une icône, une mascotte, une marque de commerce comme celle-là. Et parallèlement, en fait, le livre est également un hommage d'une certaine manière au créateur de cette icône-là, de cette marque de commerce-là. Et donc, il y a également des influences sur le plan visuel dans un contexte d'une bande dessinée qui part de 1947 et qui se termine en 2017. Alors, il nous semblait avoir un beau gros travail de recherche de ce côté-là. On avait envie d'en jaser avec Olivier Carpentier. Alors, ça sera en deuxième moitié d'émission. Également, en fin d'émission, il y aura Édouard Tremblay qui sera de passage pour nous partager ses commentaires BD cette semaine. Alors, c'est le menu d'aujourd'hui à La Vie en BD. Et on commence comme d'habitude avec quelques actualités BD, en fait, trois modifications en fait dans le, disons, l'échiquier de l'édition et de la distribution et de la diffusion du livre ici au Québec, également en France. On commence avec une nouvelle qui est sortie tout récemment, en fait. C'est Renaud Bric qui a fait l'acquisition, qui a annoncé aujourd'hui, en fait, l'acquisition de Prologue, qui est un diffuseur et distributeur indépendant majeur de livres au Québec pour un montant qui n'a pas été dévoilé. Alors, groupe Renaud Bric, dans l'annonce, a assuré que Prologue demeurera une entité distincte. On sait que Prologue est un partenaire actuellement de plus de 200 éditeurs du Québec, du Canada, de France, de Belgique, d'Allemagne et de Suisse. Alors, pour Renaud Bré, on estime que c'est une acquisition qui va permettre de garantir une diversité dans le secteur de la distribution. C'est opéré une importante concentration au Québec ces dernières années. Évidemment, c'est également une modification qui fait réagir, notamment les libraires indépendants du Québec, qui regroupent, on le rappelle, 110 librairies indépendantes. Eux s'inquiètent de voir cette concentration grandissante dans le milieu du livre au Québec. Et on estime, en fait, que l'annonce, justement, l'argument de l'acquisition de Prologue par le groupe Renaud Bré est un nouveau coup d'éclat qui confirmerait cette tendance. Alors, on dit du côté des libraires indépendants du Québec, et je cite, que cette transaction dévoile la stratégie de Renaud Bré de construire un empire intégré verticalement. Il contrôle aujourd'hui les deux plus grandes chaînes de librairies, donc Renaud Bré et Archambault, ainsi que les librairies Olivieri et Paragraphe, les plateformes web et dorénavant le diffuseur et distributeur Prologue, donc troisième en importance au Québec, qui offre au Canada les titres de plus de, je le rappelle, 200 éditeurs. Et donc, on nous dit, et je cite toujours, « Une telle nouvelle ne peut que causer l'inquiétude du milieu pour le réseau des libraires indépendants. L'appréhension se situe notamment sur l'accès de Renaud Bré à des informations commerciales privilégiées, sur la fragilisation éventuelle de certains secteurs de l'industrie, entre autres les éditeurs, les autres distributeurs et les différents détaillants. » Alors, évidemment, ce sera à voir quel sera l'impact de tout ça et comment ça s'affirmera. Mais évidemment, et on le voit déjà par les réactions immédiates, presque suite à cette annonce sur les médias sociaux, qu'il y a énormément d'inquiétude dans l'écosystème du livre québécois face à cette acquisition. Parallèlement, on termine avec un notule en lien avec la France, en fait, simplement pour dire que le groupe La Martinière, qui possède notamment les éditions du Seuil et de l'Olivier, vient d'annoncer, il y a quelques jours déjà, être en négociation en vue d'un rapprochement avec le groupe Média Participation, qui est leader de la bande dessinée européenne, qui englobe entre autres Dargaud et Dupuis. Cette opération, si elle se finalise, va permettre au numéro 7 français dans le secteur de l'édition, avec 206 millions d'euros de chiffre d'affaires, et au cinquième groupe français, donc à 355 millions d'euros de former, ce qui deviendrait le troisième groupe éditorial de France derrière Hachette et Éditis. Alors, ce sera à voir également comment ça va se passer de leur côté. Alors voilà pour ces différents clins d'œil à l'actualité. En musique, cette semaine, la formation qui nous accompagne s'appelle Aethernote et on écoute quelques extraits de leur Summer Jams. Toujours à l'écoute de La Vie en BD. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez nous suivre sur Facebook, facebook.com/La Vie en BD. On y relaie également la plupart des notules dont on parle à l'émission. Donc, si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur ce qu'on a mentionné tantôt, ben, allez faire un tour sur Facebook. Également, l'ensemble des émissions est disponible en balado-diffusion sur lavieenbd.wordpress.com. Et maintenant, avec nous, en fait, l'illustratrice Valérie Boivin. Bonjour. Oui, bonjour Raymond. Alors, Valérie, en fait, t'es de passage avec nous, entre autres éléments, pour parler de ton nouveau-né, si on peut dire, de l'un de tes nouveaux-nés, le livre où la poule meurt à la fin, du côté des 400 coups, scénarisé par François Blais. C'est une deuxième collaboration, d'ailleurs, avec François Blais. La première, 752 lapins, avait bien fonctionné. Vous aviez envie de réitérer l'expérience? Oui, absolument. Ben, je suis toujours aussi fan du travail de François. Et donc, on a juste remis ça pour un deuxième livre ensemble et dont je suis très fière, là, le livre où la poule meurt à la fin. Et essentiellement, c'est un livre où, justement, il y a une poule qui meurt à la fin. Oui. Et à l'intérieur avant sa mort, si on peut dire, on met en scène une poule qui est dépensière, ses réflexions par rapport au crédit, par rapport à l'endettement et également, sans vouloir trop dévoiler de punch, mais sa volonté forte de vouloir persister dans l'erreur de ses voies et de ses choix envers et contre tous et toutes. Exact. Donc, c'est un personnage qui n'évolue pas durant le livre. Donc, ça, c'est François qui l'a mentionné et qui adore ce genre de personnage-là atypique qui va à contre-courant là, donc, de l'idée du dépassement de soi, puis que le personnage évolue, mais là, le personnage n'évolue pas. Et en fait, c'est juste... Le personnage en soi est comme une blague. Donc, l'ensemble du livre est une blague qui porte à la réflexion sur la manière qu'on consomme, la manière qu'on vit et aussi peut-être par l'entremise de la poule, je voulais peut-être apporter une réflexion aussi sur la viande qu'on mange. Oui, que ce sont des animaux. Donc, en fait, c'est parce que c'est un peu l'intérêt de la chose. Un peu comme pour 752 lapins, on s'amuse un peu avec justement la conclusion qui ouvre à un autre type de discussion. Oui, donc, on fait pas la morale, mais on peut discuter autour, justement, de la posture morale du personnage. Est-ce qu'il avait raison? Est-ce qu'il avait tort? Pourquoi il reste? Et dans un cas comme ça, ben, on parle d'endettement, de crédit, ça reste quand même assez flou aussi. Mais en même temps, il y a une belle discussion à avoir sur comme tu disais, la surconsommation. Puis, veux, veux pas, on est tous un peu concernés par ça. On est tous concernés par la consommation. On n'a pas le choix de consommer. De quelle manière on désire consommer? Catherine, elle consomme à l'excès pour son plaisir, mais finalement, le personnage est un peu vide, tu sais, on rit d'elle. C'est plus facile de rire d'une poule que d'une personne qu'on connaît. Et dans le contexte d'un personnage comme ça, parce que tu disais en fait à un moment donné dans une entrevue veux pas le défi dans le contexte du livre illustré, c'est de faire un tout avec deux univers. Donc il y a déjà l'univers et l'esprit, l'absurde de François Blais. Que j'adore. Il faut que tu ailles mettre ton univers avec le sien pour faire quelque chose d'autre, en fait, quelque chose qui est pas exactement François Blais, pas exactement Valérie Boivin, mais le François Boivin. Ça, oui, François Boivin, c'est le nom de mon père en plus. C'est très drôle, mais oui, en fait, c'est que c'est un univers en soi. C'est quelque chose de... C'est comme une recette. C'est de la farine avec un œuf. Ça fait un gâteau. C'est plus de la farine, c'est plus un œuf, c'est juste un gâteau. Et je pense qu'on a une bonne recette, François et moi. Et on a tellement de plaisir à faire ça. En fait, le livre Petite anecdote devait s'appeler « Poule de luxe ». Et parce que c'est une poule dépensière, mais finalement, ça va passer au conseil parce que ça faisait référence donc à la prostitution. Et pour un livre jeunesse, ce n'est pas adéquat. Donc, on s'est mis à divaguer ensemble. Pendant un certain temps, le livre avait plus de nom. Fait qu'il s'appelait Le Livre. Puis, en écrivant avec François, j'ai dit, je suis en train de travailler sur le livre qui a pas de nom. Puis là, François, il fait, ah oui, le livre où ça finit mal. Puis là, finalement, on est arrivé avec cette idée géniale du livre où la poule meurt à la fin. Et un des compliments que j'ai eu, c'est que même si on sait la fin, on s'y attend pas. Ça, j'ai beaucoup aimé ce petit commentaire-là. Et puis, en même temps, il y a toujours le défi aussi dans ton contexte où souvent on va écrire des livres pour qu'ils soient lus à tout le moins une fois, mais une longue fois. Toi, dans ton cas, t'écris des livres pour qu'ils soient lus brièvement, dans le fond, 5-10 minutes, oui. Mais plusieurs fois, voire quotidiennement, selon les familles. Oui, jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. Est-ce que ça change un peu l'organisation, justement, quand on se dit, OK, si je l'écris pour qu'il soit relu? Ou je le dessine pour qu'il soit relu, dans ton cas? Non, je ne penserais pas. C'est... En fait, la manière que je travaille, c'est juste avoir du fun, juste du gros fun. Puis quand le produit est fini, c'est juste du plaisir, là, un album jeunesse. Et je veux transmettre ce plaisir-là à partager en famille le soir ou même entre amis, là, parce que il y avait sur Instagram, j'avais une libraire qui avait lu ça dans le backstore ce matin avec ses autres amis libraires. Puis, tu sais, tout le monde riait, tout le monde trouvait ça drôle. Fait que ce livre-là, je pense qu'il pourrait plaire aussi à un public adulte, parce qu'on sera... L'humour de François parle aux adultes aussi. Oui, ben en fait, on sent clairement qu'il parle à toi, et que c'est, on parlait tantôt de la jonction des univers, mais c'est clairement un peu par l'absurde, par le côté un peu, entre guillemets, niaiseux, mais du bon niaiseux, si oui, on peut dire. Oui, du bon niaiseux. Qu'on amène là-dedans, qu'on va chercher justement l'adulte, autant que l'enfant, il va par la poule, par le côté, l'humour, en fait, de la situation, l'improbable de la situation, peut-être un peu, le parent, lui, il va avec l'absurde de la situation. Oui. Mais tu sais, on parle de plein de choses aussi, comme le concept de la carte de crédit, le concept de l'achat en ligne. C'est plein de choses qui sont pas nécessairement connues là, pour les jeunes enfants, mais il y a toutes sortes de choses à discuter, comme il y a un curé dans l'histoire. Qu'est-ce qu'un curé? Il y a un abattoir, il y a une ferme. Donc, c'est... La qualité du texte de François, c'est des mots qui sont bien mis ensemble. Donc, Puis de ton côté, au niveau du casting pour la poule, oui, pour les autres animaux, pour les personnages, comment on procède justement pour réussir à accompagner ça, puis à bien caster, dans le fond, la galerie de personnages? Mais on fait ça du mieux qu'on peut. C'est sûr que moi, au début, je pensais pas être bonne pour dessiner des animaux. Puis finalement, j'ai eu beaucoup, beaucoup de fun, beaucoup de plaisir, puis à dessiner des poules exorbitées, puis qui se dandinent avec la grande crête rouge. Donc, j'ai découvert ça parce que François m'a poussé un peu vers ces histoires-là avec des personnages animaliers. Donc, c'est un peu un saut de l'ange de ce côté-là, parce qu'effectivement, jusqu'à récemment, je pense, dans tes livres jeunesse, à tout le moins, c'était surtout des personnages humains, voire exclusivement des personnages humains. Oui, exact. Et là, on arrive avec quelque chose d'autre, enfin, en termes de d'exploration. Oui. Et j'ai beaucoup aimé ça. Comme l'écurie, j'avais jamais dessiné de curie non plus, donc je sors de ma zone de confort. Et en parallèle, Valérie Boivin, c'est un gros mois, il faut dire aussi le mois de septembre, parce qu'il y a le livre Où la poule meurt à la fin qui est arrivé, mais également, il y a aussi un de tes projets personnels aux côtés de la scénariste Pascale Bonenfant, qui s'appelle Lou, que tu as lancé aussi tout récemment. D'ailleurs, Pascale Bonenfant est avec nous également. Bonjour. Bonjour, Raymond. Je vais ouvrir ton micro, ça va déjà être plus facile. Bonjour. Bonjour, Raymond. Alors, peut-être, justement, ce livre-là s'appelle Loup, et d'un point de vue visuel, peut-être, Valérie, c'est un peu dans la continuité des personnages et des histoires intimistes que tu as proposées. Oui. Peut-être, Pascal, Valérie, présentez-nous peut-être un peu l'univers de Loup. Je peux partir du départ. En fait, Lou, c'est un texte que j'ai écrit pour Valérie. Donc, un jour, Valérie s'est pointée chez moi par hasard. Elle a cogné à ma porte, puis elle a dit, Pascal, elle a dit, j'ai une phrase pour toi. Et puis, j'aimerais ça que tu m'écrives un texte à partir de cette phrase-là. Fait que moi, j'ai trouvé ça fascinant, là, qu'elle se pointe comme ça par hasard, puis qu'elle me propose d'écrire un texte. Puis, j'ai accepté de jouer le jeu. Puis je suis partie de la phrase qu'elle avait écrite sur un bout de papier. Je peux pas la nommer là précisément, mais ce que ça disait, en fait, ça parlait d'une ampoule qui s'éteignait. Point. C'était ça le point de départ. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit un texte en m'inspirant de l'univers graphique de Valérie. Donc j'ai vraiment écrit le texte en imaginant un peu les images que Valérie pourrait créer à partir de ce que j'écrivais. Donc j'ai vraiment créé pour l'univers graphique de Valérie. Puis, il y a aussi, à cette époque-là, c'est un drôle de hasard, c'est que j'aime beaucoup les vieux livres. J'ai quelques vieux livres illustrés à la maison, puis j'étais tombée par hasard sur un ouvrage qui s'appelle « Ouvrage de dame ». C'est un livre qui date du début du 20e siècle. C'est un recueil illustré, en fait, d'ouvrages de dentelle, de tricot, de crochet. Puis c'est très, très beau, très illustré. C'est un ouvrage de référence dans le domaine, en fait. Puis, tout le langage en lien avec le tricot m'inspirait énormément. Je trouvais ça très poétique. Fait que j'ai décidé de jumeler les deux et puis d'écrire un texte sur le tricot à partir de l'univers visuel de Valérie. Puis c'est là que Lou est né, en fait, que l'histoire est née. Puis évidemment, il y a le tricot qui est présent, puis il y a une recherche de lumière aussi qui vient en mode quête, entre guillemets, un peu à l'intérieur du récit aussi. Oui. Dans l'histoire, dans le fond, d'une femme qui est assez solitaire ou qui semble assez solitaire aussi, qu'est-ce qui vous a amené vers ce type de personnage-là? Peut-être d'abord Pascal, puis ensuite Valérie, comment t'as reçu tout ça aussi de ton côté? Je sais pas trop, c'est sûr que ça s'est fait de façon très intuitive, mais moi, j'imaginais l'histoire un peu comme un conte, en fait, je voulais que mon personnage évolue, contrairement à François. J'étais allée un peu dans le classique, tu sais, je voulais faire quelque chose de un peu conte classique, tu sais, avec des répétitions, puis mais en même temps, je voulais le rendre un peu à la sauce plus personnelle, moderne. On s'entend que c'est pas un thème qui est si nouveau que ça, là. Le thème que j'aborde dans le livre, là, c'est un thème qui est récurrent dans les contes, là. C'est un personnage qui sort de sa coquille, si on veut, pour partir à la rencontre des autres, là, ou d'un autre, dans ce cas-ci. C'est ça. Ça s'est fait de façon assez intuitive. Puis, en fait, c'est la lampe, la fameuse ampoule qui a, je me suis dit, c'est l'élément déclencheur du livre, l'ampoule qui s'éteint. Puis, dans le fond, ben là, j'ai pensé au fait qu'il faudrait trouver une solution au fait que l'ampoule s'éteigne. Puis, c'est comme ça que l'histoire s'est comme brodée autour, en fait. Mais ça s'est fait de façon très organique. C'est un texte que j'ai écrit très lentement, tu sais, genre à peu près sur 3 mois. Puis, tu sais, quand je l'ai fait, je savais pas du tout si Valérie allait aimer ça, là. Après ça, j'y ai soumis, puis... Moi, je suis tombée amoureuse de ce texte-là. Je l'ai trouvé beau tout de suite, poétique. Parce que Pascale Bonenfant est illustratrice, elle aussi. Illustratrice jeunesse. Et je connaissais sa poésie et je voulais travailler avec elle. Et donc, Lou, c'est le résultat de cette collaboration-là qu'on a auto-publié. Donc, c'est un livre un petit peu en marge du marché, si je peux dire, qui est imprimé à seulement quelques copies. Un projet de passion, d'une certaine manière. Oui, absolument, un projet de passion. Enfin, qu'est-ce qui faisait justement, parce qu'il y a quelque chose de ton côté qui a fait qu'à un moment donné, bon, il n'a pas pu passer par l'édition traditionnelle, il n'a pas été reçu, mais que tu as choisi de ne pas le laisser mourir non plus. Exact. Donc, après avoir cogné à la porte de plusieurs maisons d'édition, avec tous ces refus-là, j'étais juste triste. J'ai essayé de l'abandonner, ce projet-là, puis j'ai pas été capable. Et là, on l'a auto-publié et on a reçu des super beaux mots. Il est dans la vitrine du Pantoute sur Saint-Jean, à côté d'illustrateurs que j'adore. C'est un conte un petit peu pour adultes, pas tout à fait pour enfants. C'est un conte illustré, un genre de mini-roman. Il n'y a pas vraiment de catégorie dans laquelle il peut se situer. Mais c'est un livre dont je suis extrêmement fière, qui est imprimé au Québec. Mon premier livre imprimé au Québec, ça, c'était quelque chose, contrairement à la Chine. Et j'imagine que justement, il y a un défi dans un contexte comme ça, parce que tu disais, Pascal, ça reste une thématique traditionnelle, mais comme Valérie dit, dans le traitement, c'est pas exactement un livre pour les tout-petits, c'est pas exactement non plus un livre pour les ados. On est un peu entre les deux, sans le savoir peut-être, en fait, on expérimentait avec la manière, avec l'équilibre texte-image et le reste. Là. Oui, ben en fait, c'est ça, on est un peu entre deux chaises, puis je pense que ça nous a nuit, là, quand on envoyait notre manuscrit, parce que Valérie a fait le travail d'illustration pour en envoyer le manuscrit. Pratiquement achevé, en fait. Là. Je pense que ça nous a joué un tour. Parce qu'on n'était ni vraiment un livre jeunesse, ni vraiment. L'histoire était un peu plus adulte, mais c'était un livre illustré. Ce qui fait que les éditeurs ne savaient pas où le placer. Mais ce genre de livre-là est aussi. Oui. Ce style-là est plus accepté, je dirais, en Europe. Tu sais, oui. On sent un petit peu du sentier battu, mais bref. Mais l'autopublication, c'est un univers que je connaissais pas et que je trouve très attirant. Oui, puis mais c'est que ça permet d'expérimenter, justement. Ça permet d'essayer d'autres formats puis de dire, finalement, regardez, il y a un marché, il y a un intérêt pour ce type de livre-là. Oui. Ou, en même temps, de profiter aussi, j'imagine, dans le fond, d'un trait qu'on reconnaît pour aller chercher, justement, parce qu'on a vu ton trait, par exemple, Valérie, sur d'autres ouvrages. Donc, on reconnaît ensuite ce trait-là sur cet autre ouvrage-là. Donc, tu peux te permettre aussi, comme on commence à reconnaître ce que tu fais, mais de faire des choses en parallèle qui sont plus personnelles, peut-être, qui sortent peut-être un peu des cadres. Oui, absolument. Comme Pascal le fait aussi de manière très spontanée avec des fanzines. On en a fait un sur la paresse. Là, on en fait un qui s'appelle Slogan Diamant. Qui parle un petit peu de la consommation encore, des modes de communication, puis du marketing. Donc, le livre est un médium qui est ouvert à l'expérimentation. Et c'est ce qu'on a voulu faire, donc, avec Lou, qui est peut-être un album jeunesse pour les grands, si je peux dire. Ouais. Mais ce qui est un peu jouissif aussi dans le fait de faire de l'auto-publication, c'est le fait qu'il n'y a pas de compromis à faire. Donc, ça, c'est absolument magique parce que, tu sais, c'est normal, quand tu t'adresses à une maison d'édition, ben forcément, tu sais qu'il y a un éditeur qui va intervenir dans le texte ou dans les images, qui va donner son avis, qui va demander qu'on retire ça, qu'on ajoute ça. C'est correct, ça fait partie du deal, il faut accepter ça, mais en auto-publication, il n'y a pas ce processus d'édition-là. Mm-hmm. En fait, on s'auto-édite, là, donc on fait les choix qu'on veut. Et ça, c'est jouissif. C'est un espace de liberté qui est précieux, là, on va dire. Est-ce que c'est une collaboration que vous avez envie de réitérer, que ce soit par la voie de l'auto-édition ou par d'autres voies? Mais Pascal, c'est une machine à fanzine. Bon, pas tant que ça. Oui, mais non, ben quand même. Un par année, disons. Ben c'est ça, c'est quand même bien. Mais moi, j'aimerais bien écrire pour Pascal. C'est une demande le en message, ordre. Le message est passé. On jouera peut-être le jeu inverse la prochaine fois. Alors, à suivre. Et d'ici là, je rappelle, on peut trouver le résultat de votre expérimentation dans l'album Lou, qui est en vente, entre autres, justement, on va parler de Pantoute rue Saint-Jean, je crois aussi à la librairie du Musée national des beaux-arts du Québec. Tout à fait, et plus près ici, sur la 3e avenue, chez Article 721. Exactement. Alors, il y a ça et il y a également La Poule, le livre où La Poule meurt à la fin. Alors, deux manières de se mettre du Valérie Boivin sous les yeux cet automne. Et je voulais juste mentionner le super lancement que je fais lundi prochain à Os Rôtisserie. Donc, c'est concept. Venez acheter un livre sur une poule qui meurt et venez manger du poulet en même temps. Le meilleur des deux mondes. Oui. Alors, ça rappelle la date pour... C'est lundi, le 2 octobre, entre 5h et 7h. Alors, l'invitation est lancée. Valérie Boivin, Pascal Bonenfant, merci à vous deux. Merci. Merci, Raymond. Et on poursuit toujours ici à La vie en BD sur CKRL. Et on poursuit toujours à La vie en BD. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. On prend quelques minutes pour faire quelques petits commentaires autour de sorties plus ou moins récentes. En fait, j'ai toujours l'échelle vague. De ce côté, deux bouquins dont je voulais vous signaler l'existence. Ben, à tout moins le premier, parce que... En fait, j'ai l'impression que c'est le genre de bouquin facile à échapper. Tout petit bouquin qui s'appelle « Le monde des végétanimaux, à la joie de lire ». J'étais bien intéressé quand il est arrivé sur ma pile de lecture, de par l'auteur, en fait, Rémi Farnos, qui nous avait offert encore chez La Joie de lire, je pense il y a 2 ans à peu près, dont j'en avais parlé, il avait offert « Alcibiade », qui était un récit que j'avais trouvé vraiment fascinant sur le plan visuel. En fait, sur la manière qu'il avait d'organiser ses pages, créer des sentiers avec ses cases, c'était très particulier et très plaisant, très rafraîchissant à regarder. Et avec Le monde des végétanimaux, il poursuit dans un récit qui est d'abord un concept visuel et qui ensuite est un récit narratif. En fait, on découvre le livre et on l'apprécie essentiellement pour l'originalité qu'il a dans sa mise en page et sa présentation. L'histoire elle-même demeure relativement simple. Mais au niveau visuel, imaginez un peu, c'est ce qu'on découvre, les limites de la radio et l'absence de support visuel pour vous expliquer tout ça. Si je vais, disons, très, très succinctement, on parle, imaginez un grand décor sur une planche, sur deux planches. Donc, un décor, un paysage dans lequel il y a des petites actions qui se passent. En fait, des animaux qui commentent l'action principale qui se déroule. Une vie, en fait, qu'il y a à l'intérieur de ces deux planches-là. Et dans l'image elle-même, dans cette image-là, il y a une série d'actions qui sont présentées et proposées, faites par, dans ce cas-ci, un astronaute et un animal. En fait, pour la petite histoire, l'astronaute arrive sur une planète, cherche une cité perdue. Et donc, ces séquences d'actions-là, qui sont l'action principale du récit, sont, eux, encadrées par des cases à l'intérieur de ces planches-là. Donc, pour une planche pleine, il y a 3 ou 4 ou 6 petites cases qui viennent donc détailler l'action et nous permettent de suivre justement l'action principale. Donc parfois, quand on veut nous éviter de prendre conscience de ce décor, parce que le décor va devenir entre guillemets un punch, eh ben on enlève justement le fond pour ne garder que les cases qui sont pas nécessairement dans un ordre traditionnel. Et dans d'autres cas, ben justement, là, c'est vraiment le décor qui prend toute l'avant-scène. Et ça fait un objet qui est vraiment beau à regarder. Une histoire toute simple, efficace, somme toute, mais vraiment là, pouce en l'air pour le désir d'expérimentation. J'avais pas vu de choses comme ça jusqu'à là. Donc, je suis bien content d'avoir pu le lire. Et si vous avez l'occasion, à tout le moins de le feuilleter, faites-le. Et peut-être, qui sait, vous aurez envie d'avoir une relation plus suivie avec cet ouvrage. Alors ça s'appelle « Le monde des végétanimaux ». C'est de Rémi Farnos à la joie de lire. Petite mention également au passage, c'est sorti cet été, en fait, Les Vacheries des Nombris. On nous l'annonce comme la nouvelle série des Nombris. Essentiellement, en fait, on le sait, on en a déjà parlé avec les auteurs, Les Nombris, la série principale, c'est une série qui a évolué, qui est partie d'une série à gags et qui, éventuellement, est devenue une série à albums qui a encore des éléments qui rappellent la structure gag qu'il y avait au départ. Mais avec Les Vacheries des Nombris, ben, dans le fond, on se réapproprie la structure des gags des premiers albums. Et on revient un peu plus en arrière, donc à l'époque où les trois protagonistes étaient plus statiques, avaient un peu moins évolué. Donc, on retrouve leur dynamique, donc le souffre-douleur avec les deux filles un peu moins agréables, si on peut dire. Et donc, on retrouve cette dynamique-là et on retrouve un peu l'esprit des premiers albums, mais avec aussi d'autres éléments qui sont ressortis ou qui ont été ajoutés dans la caractérisation des personnages au fil des albums des dernières années. Alors, pour les fans des Nombris, évidemment, c'est vraiment sympathique parce que ça nous permet de revenir à la dynamique du départ, avec quelques additions, avec un jeu aussi quand même à l'intérieur de ça. Par exemple, il y a des garçons qui ne sont pas tous séduits par Jenny et Vicky, et donc ça entraîne des frustrations chez eux. Donc des choses comme ça qui viennent distinguer peut-être un peu cet album-là des premiers albums à gang des Nombris, mais en même temps, il y a toujours cette belle dynamique qui reste que de la fée du but, qu'ont le sens du punch, le sens de la blague, une belle compréhension de leur personnage, donc ce qui fait qu'ils en tirent aussi quand même le maximum. Alors c'est un bon retour de ce côté-là sur une dynamique de gag, et en même temps, ça fait patienter entre les albums réguliers. Alors si jamais vous êtes fan des Nombris, vous aurez sûrement envie d'y jeter un coup d'œil. Alors ça, c'est les Vacheries des Nombris, c'est le tome 1, donc Vachement copine. C'est chez Dupuis. Alors on repart en musique, toujours avec Arcanaut. Toujours à l'écoute de La Vie en BD, Raymond Poirier avec vous, et on poursuit toujours un peu en mode rattrapage. En fait, je le disais en début d'émission, je le redis, puisque il y a des sorties qui sont arrivées au fil de l'été dont on voulait vous parler, et parmi celles-ci, Victor, une BD juste pour rire, scénarisée par Yves Pépeltier, dessinée par Olivier Carpentier du côté de Berber 1313, et le dessinateur Olivier Carpentier est avec nous. Bonjour. Salut Raymond. Alors, Olivier, peut-être en fait, dans le contexte de cette BD-là, essentiellement, j'ai l'impression que ton défi principal a été de s'approprier ce qui était connu. Bon, Victor, c'est la mascotte du personnage de Juste pour rire, dans le fond. Donc, de s'approprier un peu une marque de commerce, une image qui était déjà bien connue du public, mais d'en faire aussi un personnage de bande dessinée, de bien le caster comme personnage de BD. Oui, c'est ça. En fait, une des prémices de l'histoire, c'est que nous, on créait un petit diablotin vert qui avait par la suite inspiré Vittorio, Vito, dans notre histoire, pour créer la mascotte Juste pour rire. Donc, ce qu'on mettait en scène, c'était pas tant la mascotte comme telle, comme la créature qui l'avait inspiré. Donc, ça permet un peu de détourner, de contourner le défi, puis de jouer un peu, de créer une mythologie, dans le fond, autour de ce personnage-là. C'est ça, c'est en plein ça. C'est permis des modifications au niveau du design, tout en s'assurant que tout de suite on la reconnaisse quand même si quand on regarde dans les détails, c'est pas tout à fait la même version que les gens sont habitués de voir. Oui, c'est exactement. C'est un peu plus créature, mais quand même pas créature au point d'avoir du poil ou des écailles non plus. C'est ça. Elle a quelques poils. Puis en fait, ça a été beaucoup de travail. Au début, avec Yves, on communiquait par Internet sur le projet. Puis lui, dans sa description, justement, il voulait plus créatures. Donc, mes premières esquisses, c'était vraiment des créatures, là. Donc, justement, beaucoup de poils, beaucoup d'écailles, des dents plus pointues. Puis là, il a fait comme, oh, OK, non, c'était pas ça que je voulais. Donc là, on s'est rencontrés, puis on a commencé à esquisser ensemble pour aller vers la version qu'on a pondue pour la BD. Oui, parce que dans le fond, ça devient, comme tu disais, c'est important qu'on la reconnaisse, parce qu'au bout du compte, ce qu'on connaît de Victor, c'est le visuel, c'est le moment j'ai fini, mais on n'en connaît pas plus. Donc, si on perd un peu ce côté-là, ben on perd peut-être l'ancrage aussi avec justement le festival, le contexte qui entoure un peu la création de la BD. Oui, c'est ça. C'est important qu'on soit capable de l'ancrer puis de l'associer à Juste pour rire tout de suite, rapidement. Là. Et Olivier Carpentier, qu'est-ce qui t'a amené justement sur ce projet-là? De ce que j'ai compris, c'était au départ une initiative de tes éditeurs, Berber 1313, d'aller proposer ce projet-là? En fait, c'est si je me trompe pas, c'est Juste pour rire qui voulait ajouter du contenu à Victor. Donc, c'est qui cette bébête-là? Il vient d'où? Il fait quoi? Donc, ils ont approché Berber, la maison d'édition, qui, eux, par la suite, m'ont approché pour être illustrateur sur la série et ont approché Yves ensuite pour le scénario. Et comment on reçoit une proposition comme ça? Est-ce qu'on se dit, est-ce qu'on a conscience un peu du défi que ça peut représenter, ou justement parce qu'on en a conscience, on se dit, OK, c'est intéressant, c'est une exploration, ce qui peut être stimulante? Ou Au début, en fait, je pensais, tu sais, oui, quand j'ai su que j'allais faire une BD pour Juste pour rire, même si je savais pas encore c'était quoi exactement le projet, on n'avait pas de scénario, je me suis dit, OK, tu sais, ça va être gros. En même temps, je pensais pas que ça serait aussi colossal comme travail à faire. Je savais pas dans quoi je m'embarquais. Je me suis dit, bon, à la limite, ils veulent une autre bébelle à mettre sur les tablettes. Puis c'est vraiment pas ça qui est arrivé. Yves a fait un travail de scénarisation exceptionnel. On fait le tour de l'histoire de Montréal puis de l'humour des 60 dernières années. Donc, il y avait beaucoup de travail de recherche. Donc, ça a été vraiment un défi beaucoup plus gros que ce que je m'attendais à oui. la base. Puis en fait, peut-être le premier élément, parce que tu le mentionnes, justement, le côté recherche, bon, ça part en 1947 à Venise, en Italie, ça finit en 2017 à Montréal, et je pense à peu près à chaque quatre planches, ça change un peu de segment d'histoire. Donc, je me disais, justement, et tu confirmes ça, le côté recherche doit être quand même assez colossal, parce qu'il y a beaucoup de terrain à rabattre et d'éléments à aller chercher pour que ça soit historiquement crédible aussi. Oui, tout à fait. Tu mentionnes bien, là, à chaque quatre pages, on changeait d'époque, on avançait dans le temps, on changeait de lieu. C'était jamais ou à peu près jamais dans le même lieu, à part peut-être les bureaux de Juste pour rire, puis le studio de Vito. Mais ça évoluait tout le temps, on n'était jamais à le même endroit. Puis il fallait qu'on reconnaisse tout le temps. Donc, OK, ben là, c'est le port d'Halifax dans les années 50, Venise dans les années 40, l'hôtel de ville de Montréal, ainsi de suite. Donc, je retombais tout le temps dans une nouvelle recherche, tant au niveau des décors que des costumes. OK, à cette époque-là, ils s'habillaient comment? Les voitures, ça ressemblait à quoi? Et dans le scénario, ben, il y a beaucoup de références à des peintures, à des affiches que Vito a faites, à des spectacles d'humour, à des pochettes de CD. Donc, encore là, ben, c'était une recherche visuelle supplémentaire à faire. Donc, ça a été beaucoup, beaucoup de travail. Oui, parce que, ben, en fait, c'est mon deuxième élément au niveau recherche, parce que tu le mentionnes, en fait, Vittorio Fiorucci, c'est le créateur de la mascotte, en fait, Juste pour rire, mais c'est aussi un artiste visuel bien établi, bien connu, qui nous a quittés il y a à peu près une dizaine d'années, en fait, 9 ans, si je me trompe pas. Oui, et donc, dans le fond, est-ce que ça veut dire aussi qu'il faut aller chercher un peu dans son travail, voir un peu qu'est-ce qu'il faisait? Parce que la BD Victor, par la bande, mais même dans son cœur, c'est un hommage aussi à ce créateur-là, puis une version imaginaire, une version inventée de quelle est sa relation aurait pu être avec sa créature dans une version fantastique, si on peut dire, de Montréal. Oui, c'est ça. L'œuvre de Vittorio est omniprésente dans la bande dessinée. Berber ont eu la gentillesse et la présence d'esprit en début de projet de nous offrir chacun à Yves et à moi la copie du livre sur l'exposition qu'il y avait eu sur Vittorio au musée McCord, si je me trompe pas, dans l'œil de Vittorio. Donc déjà, il y avait une très grande partie de son travail. Il n'y avait pas tout, mais il y avait déjà une très grande partie de son travail. Fait que ça a été déjà assez utile. Et Yves aussi avait fait des recherches supplémentaires pour voir ce que Vittorio avait produit au cours de sa vie, que ce soit justement au niveau de son travail d'affichiste, que ce soit des pochettes pour Offenbach, des couvertures de magazines. Et ça, ben, tout au long, ben, on y fait un clin d'œil, on fait référence en les modifiant, évidemment, puis souvent en intégrant un petit Victor sur le design initial. Et en parallèle, en fait, si on revient au côté historique de la chose, ben dans le fond, ce qui se passe avec le personnage Victor, donc ce petit diablotin-là, c'est qu'à travers ses plaisanteries, on parlait donc d'un récit qui change de segment régulièrement, mais dans le fond, à travers ses plaisanteries, il va avoir un impact sur différents événements de l'histoire de Montréal, que ce soit le passage de Charles de Gaulle, que ce soit l'émeute au Forum avec Maurice Richard à l'époque. Et donc, j'imagine au côté mise en scène aussi, donc non seulement on a le défi de la mise en scène de la BD traditionnelle, mais en même temps qu'il faut recréer des événements historiques dans lesquels on intègre un diable invisible qui est en fait la cause de ces événements-là. Comment on s'y prend pour que ça soit crédible, tout ça, dans le fond, qu'on décroche pas? Je pense que c'est vraiment de trouver le bon équilibre entre reconnaître les lieux, reconnaître l'événement, et aussi des fois de dire, bon, je le reconnais, le lecteur va le reconnaître assez, va tout de suite savoir de quoi qu'on parle, donc le Forum par exemple, mais ça n'a pas besoin d'être exactement parfait, parce que pour les besoins de la cause, j'ai besoin qu'il n'y ait pas de barrière à telle place, ou bon, peu importe, même chose pour les faufounes électriques, on a modifié un peu par rapport à ce que c'était à l'époque, mais tout de suite on comprend, même si ça s'appelle les froufrous éclectiques, on comprend que c'est les faufounes électriques, mais on l'a modifié pour la lecture, pour la mise en scène, mais on comprend quand même où ça se passe. Puis au niveau, dans le fond, du travail aussi, on a l'impression que tu te permets une certaine variété à l'intérieur des pages, dans la mesure où, il y a des pages de BD classiques, évidemment, qui sont plus fréquentes, mais il y a aussi des pages de narration où, là, t'enlèves les cases, il y a quelques illustrations, plus sur fond papier. Il y a des segments aussi où, là, tu te permets des illustrations pleine page. Oui, ça, c'est un exercice qui était vraiment le fun, parce que, justement, il y a des espèces d'histoires d'une page qui sont entre deux segments où il y a un petit saut dans le temps, je dirais. Donc, quand on travaillait les suites de l'histoire. Donc, en effet, il n'y a pas de case, il n'y a pas d'ancrage, c'est sur un fond un peu jaunâtre. Donc, moi, ça me permettait d'essayer d'autres choses, de travailler autrement, d'aller un petit peu plus vite aussi par moment. Puis, à chaque décennie environ, ou à chaque étape marquante, ben on marquait le coup avec une pleine page là en couleur, la grande noirceur, la révolution tranquille, le temps des fleurs, etc., etc. Donc là, on avait la possibilité d'offrir au lecteur une page où il pouvait se perdre dedans là, à regarder longtemps, puis apprécier les petits détails, les petites actions qui se passent en background, ainsi de suite. Oui, puis les backgrounds, en fait, qui sont quand même en dehors des pages de narration, qui sont omniprésents aussi. Il y a un gros travail de ce côté-là. Puis je pense qu'il y a juste une page dans l'album où on est dans une action BD classique et là, t'as complètement enlevé le fond. Dans le fond, le background, ça se passe sur fond blanc. C'est la signature, dans le fond, du contrat entre Victor et le responsable du futur festival Juste pour rire, si on peut dire. Pourquoi avoir fait le choix de les enlever, mais dans cette page-là spécifiquement? Il n'y avait pas de raison particulière. Des fois, c'est juste au niveau de l'histoire, de la mise en page. Si on est plus serré sur les personnages, dans ce cas-ci, ben, on a une scène à l'intérieur. Donc, c'est sûr qu'il y a moins de plans d'ensemble. On est vraiment sur les dialogues entre les personnages. Donc, ça s'est fait un peu par soi-même. Là, il n'y a pas eu de volonté particulière de dire j'enlève le background. En même temps, dans le scénario aussi, il faut dire que c'était dans les débuts de Juste pour rire. Mm-hmm. Juste pour rire dans notre histoire. Donc, la description du bureau, c'est qu'il n'y avait pas de meubles. Si on regarde la page avant celle à laquelle tu fais référence, il y a seulement une petite table sur une planche de bois, sur des blocs de béton avec quelques boîtes en carton. Donc, c'était le début, c'était très très épuré, il n'y avait pas de mobilier, rien. Mm-hmm. Oui, puis ça apporte une gravitas à la limite à la scène aussi, le fait qu'elle se distingue de l'ensemble des autres scènes de l'album. Oui, c'est une étape marquante ici, mm-hmm. là, dans l'histoire de Victor, le moment où il est passé chez Juste pour rire. Et un album qui, on l'a mentionné, c'est sorti au fil de l'été. J'ai l'impression que la réaction a été assez assez favorable aussi. Dans le fond, t'as pu déjà recevoir un peu de commentaires et autres retours, notamment de la part du festival, j'imagine, qui au départ ont été les premiers interpellés par le résultat de l'ensemble. Ben c'est ça, c'est le fun. Le timing était, le timing. Mon deadline était de le finir en mai pour que justement on ait la sortie en même temps que le festival. Faut dire, Juste pour rire, c'est leur 35e anniversaire cette année. Et c'était la BD aussi s'inscrit très bien dans le 375e de Montréal. Et c'est un peu le cadeau que Juste pour rire s'offrait. Donc, en même temps que le festival, ben, ça a eu quand même une belle portée médiatique. On a été présents sur le site, Yves puis moi, pour dédicacer les albums. Donc, ça a été un beau petit buzz là, en début de juillet. Là. Et depuis lors, en fait, j'ai cru comprendre que tu continuais, que tu avais poursuivi à travailler maintenant sur Fallout 3. Oui, donc je m'ennuyais de mes petits robots cowboys. Donc, j'ai pris quand même une semaine ou deux un peu plus relax après Victor, parce que ça a été physiquement et psychologiquement assez dur de le finir à temps. Puis, ben c'est ça, après ça, j'avais un scénario qui m'attendait pour Fallout. Donc, j'ai repris le découpage, puis là, je suis dans le crayonné et l'ancrage. Alors, à suivre de ce côté, évidemment. Et d'ici là, ben, on se met Victor sous les yeux. Olivier Carpentier, merci. Ben, merci à toi, Raymond. À la prochaine. Merci, bonne fin de journée. Alors, Olivier Carpentier, je le rappelle, donc dessinateur de cet album Victor, scénarisé par Yves P. Pelletier, et c'est disponible du côté des éditions Berber 1313. Dernière ligne droite pour la vie en BD cette semaine, et on retrouve notre troisième libraire en résidence pour ses commentaires BD. Alors, Édouard Tremblay de chez Pantoute, bonjour. Salut Raymond, salut tes auditeurs, un plaisir d'être de retour pour cette nouvelle saison avec vous. Et un plaisir de te réavoir parmi nous également. Et Édouard, enfin, on va se lancer tout de suite avec un premier titre, Le Duel. Oui, Le Duel, qui est arrivé un peu, j'avoue, je ne l'attendais pas, et j'ai été agréablement saisi de voir cette belle adaptation. Pour ceux qui connaissent un peu, bon, l'histoire, c'est une adaptation du roman de Joseph Conrad, roman du même nom, qui avait fait l'objet aussi d'une belle adaptation cinématographique par Ridley Scott il y a de cela quelques années, et qui tourne en fait autour justement de la rivalité, des duels, des multiples duels, parce qu'il y en aura plusieurs, entre deux hussards, deux officiers de l'armée de Napoléon, qui pour un point d'honneur assez vague, vont leur vie durant en fait s'affronter comme ça l'un et l'autre. Et est-ce que côté adaptation, justement, parce qu'on tombe dans un récit qu'on connaît déjà un peu, donc j'ai l'impression que ça rend plus ardu peut-être l'adaptation pour réussir à renouveler la relation qu'on a avec le récit? En effet, c'est sûr qu'on est en terrain connu, même ceux, par exemple, justement, qui connaissent bien le roman, ou même juste qui connaissent bien le film, vont évidemment aller vers assez peu de surprises en termes de structure narrative. Là, par contre, où Monsieur Farras, en fait, qui fait l'adaptation, a vraiment, à mon avis, frappé très très fort, c'est dans la qualité du dessin, dans la qualité de la scénarisation qu'il va amener avec ça. Toute la BD est en noir et blanc, avec seulement quelques empreintes de rouge pour venir magnifier certains moments, et ça donne dans l'ensemble vraiment quelque chose de grandiose, de ce côté-là. Donc, en fait, au niveau des yeux, on est accroché. Au niveau du scénario, c'est efficace. Ça se tient. On a réussi à aller tirer l'essentiel, dans le fond, du récit. Pour donner l'impression, dans le fond, que c'est pas une adaptation pour faire une adaptation, mais qu'on avait quelque chose à apporter en faisant passer l'ouvrage vers la bande dessinée. Tout à fait, loin de justement une simple transposition. Comme je dis, le travail derrière pour rendre l'époque, pour rendre l'ambiance, rendre aussi évidemment tout ce foisonnement hein, de l'époque napoléonienne, que ce soit dans les salons, dans les uniformes, dans toute cette belle richesse, elle nous est rendue, elle est portée vraiment avec une belle force. Et je voudrais procéder aussi de M. Farras, qui par exemple va nous montrer l'empereur Napoléon, mais sans jamais dévoiler son visage, simplement par les traits qu'on lui connaît bien, son bicorne, son grand manteau. Et donc il y a un paquet de beaux petits processus comme ça, scénaristiques, qui rajoutent à l'intelligence de la chose. Alors ça en fait, est-ce qu'à la limite on le recommande, en fait de ce que j'en comprends, on le recommande chaleureusement là. Ah, très chaleureusement, je dirais que moi ça va assurément être une de mes meilleures BD de cette année là, c'est à ce point-là là. Deuxième titre, Édouard, Comme une odeur de diable. Comme une odeur de diable, oui, quelque chose, encore une fois, que j'ai été fort agréablement surpris. Une adaptation, en fait, de quelques-uns des contes qui avaient été répertoriés par Claude Seignol. En fait, pour ceux qui ne le connaissent pas, Claude Seignol est un folkloriste français, donc un peu à l'image de Alan Lomax. Aux États-Unis, c'est quelqu'un qui s'est promené justement comme ça dans les petits villages, dans les régions, pour aller comme ça ramasser les contes traditionnels, les histoires de village, ces choses-là. Et donc, ce que Lefebvre va faire ici, bien, c'est reprendre certaines de ces histoires-là que Seignol avait répertoriées, et il va nous les adapter. Or, comme ces histoires-là ont tous un côté très très gothique, très très horrifique, eh bien il va faire la chose vraiment avec un processus qui nous rappelle les belles années d'ici Comics là, vraiment pour ceux qui connaissent les Tales from the Crypt, les Tales from the Dark Side, c'est vraiment vraiment dans cet esprit là en fait, mais avec une touche française. Oui, j'ai l'impression en fait que le côté rétro dans le graphisme ces temps-ci, c'est quelque chose qui marche bien, qu'on aime un peu à essayer de se replonger dans des versions réactualisées, si on peut dire, d'approche visuelle, approche graphique, mais dans lequel on intègre des éléments de mise en scène qui sont, eux, bien actuels. Eh bien, exactement. C'est l'ère du temps, mais que ce soit aussi bien dans la BD que dans le domaine littéraire, hein, on parle souvent de cette ère de la nostalgie, mais force est de constater qu'effectivement, ben, il y a eu à certaines époques, justement, comme des éléments magnifiques comme Tales from the Crypt, qui, au-delà du divertissement qu'ils ont amené à l'époque, faisait aussi école en termes de thématiques ou de structures. Et donc, c'est tout à fait ça. On va le reprendre, on va rendre hommage, en fait, à ces grands piliers-là de la bande dessinée, mais avec un traitement qui reste plus moderne, une approche quand même qui est de son temps, mais qui s'inscrit, à mon avis, en tout cas, dans une tradition qui, elle, a fait ses preuves depuis très longtemps. Oui, puis un peu comme le sujet, d'une certaine manière, parce qu'au bout du compte, on rend hommage à ces histoires-là, à celui qui les a récoltées. On replonge aussi dans des histoires qui ont un certain caractère archétypal ou... Ben, tout à fait, hein. C'est un peu pour paraphraser, en fait, ce que Lovecraft disait à l'époque, hein, c'est l'espèce d'intemporalité de la peur. C'est toujours les mêmes, la peur du loup, la peur du noir, la peur du diable. C'est oui, des thèmes et dont on voit aussi des assises, évidemment, dans notre folklore ici au Québec, hein, qui lui-même matiné, bien sûr, de culture française. Et donc, c'est tout ça, oui, ces beaux héritages-là, en fait, qui sont proposés là en quelques petites histoires. Alors, comme une odeur de diable, donc, cette série d'histoires, deuxième suggestion, donc, d'Édouard Tremblay. Et t'en as une troisième pour nous cette semaine, c'est The Goddamned. Oui, The Goddamned. Pour ceux, en fait, qui sont plus familiers avec le domaine du comics, le nom de Jason Aaron leur évoquera assurément quelques joyeux échos. C'est un des grands scénaristes du milieu, à qui on doit notamment la série Scalp, que j'avais adoré, et qui revient ici avec un récit très très très sombre qui oserait dire ce teint de post-apocalyptique, mais non pas à cause de sa projection dans le futur, mais bien à cause de l'ambiance qu'il va mettre. Je m'explique, ce fameux Goddamn, en fait, c'est Caïn, le Caïn biblique, hein, qui est chassé du paradis après l'assassinat de son frère Abel, va errer comme ça. Mais récit d'Aaron aura eu, au-delà de son bannissement, des impacts aussi sur la Terre qui, de paradis terrestre, est devenue complètement dévastée. Tout n'est que aridité, tout n'est que carcasse qui sèche au soleil comme ça. Et c'est dans ce contexte-là justement, on va suivre les pérégrinations de Caïn qui, rendu immortel par justement la colère divine, cherche désespérément qui pourrait mettre fin à ses jours. Et donc, est-ce qu'il y a un côté introspectif ou est-ce qu'on parle plus d'une BD d'action ou... Ça va être vraiment... On va aller plus tabler, évidemment, du côté action, dans une ambiance qui rappelle un peu, justement, le Noé de Darren Aronofsky. Non pas la malheureuse adaptation en film, mais la BD qui était, elle, très, très, très belle et très bien adaptée. Donc, même pour des personnages un peu plus traditionnels, où on va rencontrer notamment Noé, on est très, très loin du gentil monsieur avec une belle barbe blanche. C'est littéralement une espèce de chef de tribu esclavagiste, fanatique. Et donc, on va mettre l'accent, disons, beaucoup plus sur le côté, justement, gothique, action, sombre de la chose. Mais on va le faire avec tout le talent, en fait, de Jason Aaron, ce qui donne quelque chose d'absolument fascinant et passionnant de ce côté-là. Oui, bien, en fait, on parlait tantôt de réinvention d'éléments connus, mais pas les mythes bibliques. C'est des références que tout le monde connaît un peu, qu'on ait lu ou non la Bible. On a une idée de c'est quoi. Donc, il y a un plaisir aussi à voir un peu ces mythes-là réinventés, Zack Snyderisés en partie aussi, donc avec un contexte plus réaliste, plus dru, plus glauque. Exactement. On est en terrain connu, mais bon, du reste que c'est sans faire offense à personne. Hein, la Bible, c'est une multiplicité de récits, une multiplicité de versions. Donc, on y ajoute un peu sa propre interprétation. C'est ce que fait un peu Aaron de ce côté-là. Mais comme je disais, dans une ambiance qui va vraiment rappeler des classiques, ou même pour ceux qui sont des nostalgiques de Rahan, par exemple, on va y retrouver ce côté, bien sûr, très tribal, très préhistorique, très, très primitif, là. Alors, je rappelle aux auditeurs, en fait, des trois suggestions. Donc, Le Duel, Comme une odeur de diable et celui dont on vient de parler, de Goddamned. Édouard Tremblay, merci beaucoup. Comme toujours, un immense plaisir, Raymond. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, donc c'était Édouard Tremblay, donc un de nos libraires en résidence avec qui on faisait la dernière ligne droite de l'émission. La semaine prochaine, de 17h30, on aura entre autres Matt Ordog pour nous parler du tome 2 des Pieds palmés, François Vigneault pour nous parler de Titan. Il y aura des commentaires BD également et plus. Alors c'est Raymond Poirier au micro. Passez une excellente semaine sur les ondes du 89.1 CKRL.